Bonjour, je suis Jenny. Je suis une poupée. Je veux jouer. Viens jouer avec moi. Je me suis drôlement bien amusée.